Ça va plus, il n'y a plus d'herbe. C'est sur YouTube. Là c'est la chanson. Ouais. Mais je vous jure. Ah, on peut prendre passer beaucoup de messages au travers de l'heure. Oui, mais des fois ils sont bêtes, hein. Des fois ils font des films, ils savent pas que. Mais ils sont pas bêtes, ils savent que tous les initiés. C'est ça que je veux dire. C'est qu'ils sont. Ce que je dis qu'ils sont bêtes, c'est que des fois ils font un truc, mais quand on est chrétien, on reçoit un message. Je suis sûr qu'il y en a, des fois ils savent pas qu'ils font passer un message aux chrétiens. Ouais. Dieu il. Mais ce film, il y a cette musique dans le film. Ah. Mais tout est compté là. L'eau. Ah, l'eau, on la trouve plus. On trouve plus l'eau. Quand je vois mes enfants, gaspiller l'eau, j'arrête pas de leur dire. En plus, moi qui fais des missions en Afrique, je vois la galère dans certains endroits. Ouais. C'est ça, si on va à la capitale du pays africain, tout va bien. Mais quand on va à la campagne. C'est ça ici. Comment? Réalisé en 2010 par Albert Hughes, Alan Hughes, Denzel Washington, oui. Gary Oldman, Mila Kunis, Ellie le solitaire et la belle Solara. Mais cette image, ça ne me dit rien. Le dictateur dans une Amérique en ruine. Il n'y a plus à. Dans le film, il n'y a plus à manger. Dans le film, il commence, là, quand il commence, il chasse. Il chasse pour manger. Et il n'y a plus d'histoire d'argent. Si je veux de l'eau, je vais te proposer ce que j'ai. Alors ça peut t'intéresser peut-être. Je peux avoir trouvé un zippo, un briquet, un truc. En fait, ça, on revient à une époque de troc. Moyenâgeux. En fait, quand on voit ce film, on se dit waouh, tout ce qu'on a pu connaître là, la télé, la civilisation, téléphone portable, là, non mais c'est même plus la peine. Là. La seule chose qu'il a de moderne, c'est son MP3 pour écouter la musique. Ouais. Mais il galère, c'est des fois la batterie est vide, donc il faut qu'il trouve pour la recharger. Pour recharger la batterie, il faut payer, donc il faut troquer. Oh, il vit des trucs là-dedans, c'est sûr. Et je vous parle pas du cannibalisme, parce que forcément qu'il y en a qui cannibalisent. Le livre d'Élie. La Bible déclare que notre vie, notre planète n'est pas ici. Notre domicile n'est pas ici. Comment tu vas? C'est le cugnot. Bonsoir à Casablanca. Bonsoir à Casablanca. Bonsoir. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse journée des jeunes qui a permis que les uns et les autres soient fatigués et un peu. Certaines personnes diminuent du poids. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce moment encore que tu nous donnes de passer en ta compagnie. Dirige-nous et couvre-nous, Père de gloire, de ta grâce. Ouvre notre cœur à ta parole et puisse cette parole-là pénétrer notre âme et notre cœur pour ta gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, nous allons voir les deux règnes et le choix que nous avons à faire face à ces deux règnes. Les deux règnes. On peut commencer. En 2001, à l'issue de la destruction des tours jumelles de World Trade Center, George Bush a tracé une ligne où il appelait l'axe du mal. George Walker Bush, fils, junior. Il a tracé un axe qu'il appelait l'axe du mal. Ça passait dans le Moyen-Orient en traversant pour toucher la Libye. Et tous ceux qui étaient sur cet axe-là, ils étaient appelés les États voyous. ou bien l'axe du mal, tout ce qui y était. Toute personne qui soutenait ces États-là a été considérée comme ennemie de l'Amérique. Au point où George W. Bush disait, soit vous êtes pour la guerre en Irak, soit vous êtes contre la guerre en Irak. Si vous êtes pour la guerre en Irak, vous supportez l'Amérique. Si vous êtes contre la guerre en Irak, vous êtes les ennemis d'Amérique. Et par conséquent, vous supportez les États voyous, bien les États qui sont listés sur l'axe du mal. Ainsi, donc, lui-même, il avait tracé le principe de ce que nous allons vouloir voir ce soir-ci par rapport à ces deux règles. Donc, pour George Walker Bush, comme l'Amérique était dans des situations difficiles, il cherchait tous ceux qui sont avec lui pour avancer dans la cause, pour la défense de la vie américaine. Et tous ceux qui allaient en sens contraire, dans le sens contraire, étaient considérés comme l'ennemi. Ainsi donc, dans notre vie quotidienne, dans nos vies quotidiennes, tous les choix que nous faisons, de façon pratique ou spirituelle, ça quand il parle de spirituel ici, c'est en esprit, c'est-à-dire les pensées qui nous traversent l'esprit, les actions que nous avons à poser, les décisions que nous prenons, les paroles que nous prononçons, sont de près ou de loin en faveur ou en défaveur de l'un des deux règles. C'est-à-dire quoi? À l'instant où vous prenez position pour le royaume de Dieu, automatiquement, vous prenez position contre le royaume de Satan. Amen. À l'instant où chaque fois vous admettez quoi que ce soit qui favorise le règne de Lucifer, vous défavorisez le royaume de Dieu. Genèse chapitre 1. Que le Seigneur puisse ajouter la lecture, la bénédiction à la lecture de sa parole. Et nous y donnons le contexte. Genèse chapitre 1. C'est ce message qui va conduire à la prière pour ta délivrance. C'est ce message. Amen. Ouais. Amen. Ouais, c'est ce message dont il est question. Les deux règnes. Au commencement, à partir du chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5 enfin. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut jour 1, le premier jour. Amen. Amen. Donc, dès le départ de la création, Dieu a séparé la lumière d'avec le ténèbre. Et la Bible nous révèle ici que Dieu a vu que la lumière était bonne. On n'a pas apprécié les ténèbres. Donc, dès l'origine, les ténèbres n'ont jamais été appréciées. La seule appréciation que donne les ténèbres, c'est le jour où Dieu a dit qu'on se repose. C'est le moment où il a dit qu'on se repose du travail fatigant de la journée. C'est uniquement là où les ténèbres nous servent. Pas les ténèbres de l'esprit. Les ténèbres de l'obscurité, de la noirceur, tout simplement. En dehors des ténèbres, la noirceur se trouve l'obscurité. Parce qu'il y a l'obscurité dans les ténèbres. Vous savez ça, non? Vous savez ça? Ok, Jude. Jude, c'est avant Apocalypse, juste l'avant-dernier livre 3. Jude. Jude. Jude, oui. Jude. Versets 12 et 13, qu'est-ce que ça dit? Jude, versets 12 et 13. Ce sont des taches dans vos agapes, faisant imprudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Donc il y a différence entre les ténèbres et l'obscurité. là, dans ce passage, on a parlé des êtres spirituels. Des êtres spirituels qui y habitent. Alors, il y a le temps des ténèbres, le temps de la lumière. Il y a le règne des ténèbres et le règne de la lumière. Et il faut donc regarder leur manifestation dans nos vies quotidiennes. Après avoir noté, on va lire quelques passages dans le livre de Jean, maintenant, chapitre 3. Jean, chapitre 3, et puis Jean, chapitre 9. On va lire successivement les deux. Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, puis Jean, chapitre 9. S'il te plaît. Jean, chapitre 3. On va prendre Jean, chapitre 3, Jean, chapitre 5, Jean, chapitre 9, Jean, chapitre 12. Waouh, Jean, chapitre 8. C'est plein là maintenant. On y va dans Jean, chapitre 3. Je vous donne le verset. Verset 16 et suivant. Jusqu'au verset 21. 16 à 21, les Jean, chapitre 3. 16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Voilà. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, ce passage est un peu plus clair par rapport à encore cela. Ça veut dire qu'il dit les actions que nous faisons nous prouvent si nous sommes des ténèbres ou nous sommes de la lumière. Ici, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit, son Fils unique, beloved son, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, Dieu en effet, dans le verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce jugement, parce que le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, comme on va voir dans le chapitre 8, verset 12, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ça commence à poser problème, ces versets, ça pose des problèmes. Il dit, la lumière étant venue dans le monde. Quand il parle des lumières, il parle de qui? De quoi, au mieux de quoi? Moi, je pensais au jour. Au jour. Enfin, il y a la lumière du jour qui est différente de ce qu'il en avait dit ici. Bon, regardons dans ceci. Allons au chapitre 8, puis avant de revenir là-dessus. Parce qu'il faut bien saisir ces choses-ci. Chapitre 8, les Jean. Jean, chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Jean chapitre 8, verset 12. Jésus, parce que là, on va voir la définition de cette lumière-là. Allons-y. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, il s'est défini ici, pas comme la lumière du jour qui est là, le soleil. Il s'est défini comme étant cette personnification de la lumière. Alors, dans ce verset 18... 19 de Jean chapitre 3, il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Donc nous voyons effectivement qu'il ne peut pas s'agir de la lumière du jour, parce qu'avant qu'il vienne, avant qu'il naisse, il y a le jour et la nuit, le jour et la nuit, le jour et la nuit. Donc il est en train de parler de quelque chose de spécial, ou bien quelqu'un de spécial ici. Il dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Donc la lumière est venue. Lorsqu'il est en train de parler, la lumière est venue. Donc initialement, il n'y avait pas cette lumière-là dans le monde. Il y avait la lumière du jour, la clarté. Cette lumière qui est clarté, qui était son symbole à lui, qui viendrait pour éclairer et faire dissiper les ténèbres. Il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est terrible. Donc, dans leur, et il va expliquer par rapport à leurs œuvres maintenant, il dit, comme la lumière est là, pourquoi le Seigneur est venu? Pour manifester et faire ressortir dénoncer en quelque sorte les œuvres des ténèbres pour montrer qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre en dehors de moi que vous allez servir alors que ce n'est pas ce que vous êtes censé faire. Et le verset 20 dit, car quiconque fait le mal hait la lumière. Ah, oui, ça veut dire que vous faites le mal, si on fait le mal, on hait le Seigneur Jésus. Parce que la lumière ici, il s'agit de lui, non? Comme moi, la lumière, c'est Jean chapitre 8, verset 12. Et chapitre 12 également, verset 65. Ici dit, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Nous parlons là, chaque fois dans nos conversations, de toutes ces choses que les grands de ce monde sont en train de tramer dans les ténèbres. C'est pour cela qu'ils font tout pour éloigner la Bible, éloigner les gens de Jésus. Et ils ne veulent pas en entendre parler. Parce que le simple nom de Jésus dénonce leurs œuvres. Puisque quand le Seigneur Jésus était là, il était là pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles elles sont faites en Dieu. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur Jésus a conçu, ça ne se cache pas, c'est au-dessus et au-dessus de tout, et ce n'est pas caché. On peut continuer. Allons dans le livre de Jean, chapitre 19. Devenons chapitre. Oh, c'est beaucoup là. Alors, prenons le mot chapitre 14. Est-ce que je vais pouvoir lire cette Bible ici là maintenant? Chapitre 14. Chapitre 14, verset 29 à 31. 31? Oui. Chapitre 29 à 31. Allons-y. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Voilà. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus, il dit, ne parlerai plus guère, au verset 30. Parce que le prince du monde vient. Mais c'est Jésus qui parle là? Oui, c'est celui qui parle depuis le verset 1. Donc ce qui ne m'étonne pas, mais c'est qui dans ces cas-là, le prince? Oui. Parce qu'on pourrait croire sur le coup que le prince, c'est Jésus. En fait, lui aussi, c'est un prince. Mais ici, ce prince-ci, c'est le prince du monde. Et ce monde-ci, c'est le monde des ténèbres. Donc il a parlé là du prince des ténèbres. Waïa. Il a exclamé là vraiment comme un bamileke. Alors, depuis le verset 1 du chapitre 14, il a cessé de dire maintenant, en indiquant clairement qui il est, quelle est sa mission et ce qu'il est censé faire par la suite. Dans ce verset 29, sachant que les événements sont sur le point d'arrivée, nous sommes au chapitre 14, au chapitre 18, il y aura son arrestation, au chapitre 19, sa crucifixion, sa résurrection au chapitre 20. Donc, les événements sont en train de vite s'enchaîner, il est sur le point d'être livré et il commence à avertir ses disciples à ce qui va arriver. Il dit, je vous dis ces choses avant qu'elles n'arrivent. Parce que sur le point, bientôt le prince du monde va arriver. Dans Matthieu chapitre 26, 27 et 28, où toutes ces choses seront révélées, quand les gens vont venir l'arrêter, il a dit, c'est maintenant l'heure de la puissance des ténèbres. L'heure de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que Dieu a permis dans son plan que les ténèbres aient une victoire momentanée. Et comment il peut se nommer? Il aurait pu dire le diable ou quoi que ce soit. Non, il a beaucoup de noms. Le prince. Oui. C'est un peu comme lui-même. C'est gentil là, d'utiliser le mot prince. C'est quand même un prince. C'est quand même un prince. Ouais. La hiérarchie biblique des anges, Satan se situe à la haute hiérarchie. Ouais. Donc c'est un peu comme un président pourrait donner confiance de sa garde à un haut gradé de l'État et que celui-là fait le coup d'État. Tant qu'il fait le coup d'État, c'est quand même un général. On va l'appeler général parce qu'il est général. Malgré qu'il ait fait le coup d'État. Donc c'est un prince. On l'appelle prince. Parce que Jésus est en même temps prince et roi. C'est ce qui est différent. Jésus est le prince, il est roi. Alors ici, la Bible déclare, il dit, je ne parlerai, verset 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il précise qu'il n'a rien en moi. La phrase, il n'a rien en moi, c'est le socle de notre travail ici, là, maintenant. Nous avons vu dès le départ que chaque action que nous allons faire, chaque pensée, parce que dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 7, le Seigneur nous explique que les meurtres, les mauvais désirs, les adultères, les mensonges, les vols viennent de l'intérieur. Et c'est ça qui souille l'homme. C'est ce qu'il dit. Ici, il dit, il n'a rien en moi. Ça veut dire, voici le prince qui arrive, voici Jésus. Jésus annonce que lorsque lui quitte la scène, parce que le prince est en train d'arriver. Et puis il dit, ce qui est à l'intérieur de lui, il n'y a rien de tel chez le prince là qui arrive. Ça suppose que la lumière avec les ténèbres n'ont aucune des propriétés communes. Et donc, si la lumière et les ténèbres sont de deux natures différentes, de deux propriétés différentes, et que rien de la lumière ne se trouve chez les ténèbres et rien des ténèbres ne se trouve chez la lumière, ainsi en est-il de tout ce qu'elles vont manifester. Ainsi en est-il de tout ce qu'elles vont manifester. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Éphésiens. C'est tout juste devant, après 1 Corinthiens, donc Jean, après les apôtres romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens. Courage. Dans le Nouveau Testament, quelque part là, tout juste vers la gauche ici. Tu as vu ça? C'est quelque part ici. Oui, c'est bon. Éphésiens. Le chapitre 5. Les 10 premiers versets, ou bien les 11 premiers versets, ou bien les 12. Wow, c'est merveilleux là. Allons-y. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité et l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Oui. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, c'est à cause de ces choses que la colère du Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de l'esprit consiste le fruit de la lumière. Verset 9 là. Oui. Le fruit. On a écrit quoi là? Car le fruit de. De la lumière, c'est ça? Car le fruit de l'esprit. C'est ce qui est écrit dans ta version là. Oui. Ok. Oui, oui. Parce que marcher comme des enfants de lumière. Oui. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Oui. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. Une fois de plus, la recommandation est donnée ici à partir du verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudic ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et des dieux. Puis il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. D'où fils de la rébellion. C'est une autre connotation dont des enfants des ténèbres. Ici, verset 5, il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Donc, ça veut dire que les faits et gestes, la façon pratique des autres, ce groupe-là, le groupe de la rébellion, on ne doit pas avoir part avec eux. Puis, verset 9 dit, non, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Le Seigneur jusqu'à dit dans Jean chapitre 8, verset 12, là, qu'il est la lumière du monde. Quiconque le suit ne marchera jamais dans les ténèbres et il aura la lumière de la vie en lui-même. Et ici, il dit donc, marchez comme des enfants de lumière, dont le règne des ténèbres n'a pas sa place dans les enfants de lumière. Ainsi, le règne de lumière n'a pas sa place dans les enfants des ténèbres. Autrement dit, chaque personne doit donner l'expression du royaume dans lequel il appartient. Il dit ici, verset Verset 9, car le fruit de la lumière, le fruit de l'esprit, consiste en toutes sortes de bonté et de justice et de vérité. Et puis on donne un commandement d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Ça veut dire que ceux qui se targuent être de Christ et appartiennent au Christ doivent se poser la question chaque jour de façon journalière. Les pensées qui me traversent, la façon dont je m'exprime, la façon dont je marche, les actes que je pose, sont-ils en conformité avec les œuvres de la lumière? Et puis il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc je dois faire l'examen chaque fois pour savoir si tout ce que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train de penser, tout ce que je suis en train de, la façon d'agir est conformément à la lumière. Si c'est une œuvre de la lumière, pour ne pas manifester les œuvres des ténèbres tout en pensant servir ou bien en pensant être dans la lumière. Ici il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. On ne doit pas prendre part. Donc, ça veut dire les ténèbres avec nous. La façon des ténèbres. Autrement dit, on ne doit pas faire place à Satan et d'œuvrer au travers de nous. Le Seigneur, en quittant le monde, a bien signifié qu'il n'y a rien de lui en moi. Donc, on doit se poser la question, y a-t-il quelque chose comme un socle sur lequel Satan peut se placer pour nous exiger devant le Seigneur, pour nous frapper, pour nous cribler? Si c'est oui, il faut s'en débarrasser. C'est ici donc, c'est à cet instant-ci, c'est à ce niveau-ci que se situe la délivrance. Écoutez très attentivement. Voici le niveau même de délivrance. Je vais expliquer encore vraiment plus profondément. La délivrance consiste, comme par exemple Moïse est venu délivrer les Juifs de l'Égypte. La délivrance consiste à sortir quelqu'un qui était dans une situation de captivité et qui se trouve quelque part où il ne peut pas s'en sortir. La délivrance consiste à le faire sortir de là-bas pour franchir la ligne de liberté. C'est en cela la délivrance. Dans Colossiens chapitre 1, puisque nous sommes très proches, lisons cela avant. Lisons. Dans Colossiens, touche devant là. Touche devant. Donc, les deux livres après. Colossiens. Je suis Colossiens. Oui, tu y es déjà. Oui. Ok, c'est bon. C'est bon. Colossiens, chapitre 1, les versets 12 et 13. Après ça, on va dans le livre de Luc au chapitre 4. Oh mon Dieu, c'est... Ouais. Chapitre combien, Colossiens? Chapitre 1. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà, c'est bon. Donc, s'il n'y a pas cette délivrance, on va continuer à servir les ténèbres. Donc, en fait, il y a deux règles. Il dit ici, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, il dit, dans la lumière. Il dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est exactement ce dont le Seigneur Jésus-Christ parlait dans Jean chapitre 8, en disant que si le Fils vous affranchit, vous libère, vous voyez, vous délivre, vous serez réellement libre, parce qu'on est en captivité. Et la principale chose avec laquelle Satan nous captive dans les ténèbres, c'est le péché. Et c'est pour ça que dans cet Éphésiens chapitre 5, nous lisions tout à l'heure, il a dit que dans les enfants de lumière, marchez comme les enfants de lumière, loin de toutes ces choses-ci, que ça ne soit pas nommé au milieu de vous, ainsi qu'il convient au saint. Ça ne doit pas se nommer. Autrement dit, on doit regarder s'il y a la trace de ces choses-là en nous. Dans Luc chapitre 4, versets 16 et 17, la Bible déclare que le Seigneur Jésus est entré selon sa coutume. Je crois que je suis allé vite pour qu'on traverse, parce qu'on a lu ces passages-là. La Bible déclare qu'il entra selon sa coutume dans la synagogue. On lui remet le livre. Il ouvrit l'endroit où il écrit dans le prophète Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. On a lu ça une de ces fois ici. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, il dit pour délivrer les captifs. Pour délivrer les captifs. Et c'est la même mission, justement, qu'il va donner à l'apôtre Paul. Lisons cela dans le livre des Actes des Apôtres. Rentrons. Donc, le règne des ténèbres et le règne de la lumière. Chaque personne doit choisir son camp. Il dit quel livre là maintenant? Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 22. Oui. Prenons le chapitre 26 même. Prenons le chapitre 26 d'Actes des Apôtres. Voilà. On va lire à partir du verset 9 en descendant. Pour moi, oui. J'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les ai forcés à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » C'est 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux. » Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Jésus, voici un autre passage de l'Écriture qui m'étonne. Ça m'étonne parce que l'œuvre de la rédemption est terminée. D'autant plus que l'œuvre de la rédemption est terminée. Et qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Ça, c'est étonnant. C'est étonnant. Ça, c'est après qu'il était crucifié. Ressuscité. Il était au ciel parce qu'il était dans le soleil. Là. Il a dit qu'il a vu une lumière qui dont l'éclat surpassait celle du soleil. Alors, le Seigneur Jésus donne une mission à l'apôtre Paul en disant que je t'envoie, je t'ai choisi de mieux ce peuple avec le mieux des païens vers qui je t'envoie. Il envoie vers ce peuple-là. Il dit, voici le but pour lequel il va arriver. Il dit, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux. Ça pose problème. Ça ne veut pas dire que les êtres humains étaient physiquement aveugles. Ça veut dire qu'au-delà de ce que nous pouvons voir dans la dimension physique des choses palpables, il y a une autre dimension spirituelle. Donc, les gens peuvent être véritablement aveugles tout en ayant les yeux ouverts. Comme il le signifie dans le livre des Jean, chapitre 9, à l'issue de la guérison de cet aveugle né. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent. Vous voyez, sans cela, il n'y a pas de transition. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Ça, c'est le verset 18. Ça. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Donc, c'est la responsabilité de l'apôtre Paul. C'est merveilleux comme mission que Dieu puisse donner à quelqu'un sur la terre. Ah, Seigneur, que ton nom soit glorifié. C'est-à-dire, ce sont les gens qui sont en train de regarder comme vous et moi. On se voit, on se regarde, mais la personne est aveugle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui donne la commission d'ouvrir les yeux. Quand les yeux seront ouverts, les gens vont observer qu'ils étaient dans les ténèbres. Ça veut dire que les gens servent Satan sans s'en rendre compte. Et la preuve, voilà les intellectuels en plein là-dedans. Des intellectuels, des riches, des gens nantis de diplôme sont en plein dans les ténèbres. N'est-ce pas terrible, mes chers? Amen. Alors ici, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent, regardez les transitions, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Alors, je pose la question. Qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Puisque c'est même l'apôtre Paul qui va écrire plus tard dans Colossiens, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Le triomphe a été obtenu à la croix. La rédemption a été définitive. Mais les exactions de l'ennemi restent toujours, parce qu'ils sont toujours, on est toujours dans leur temps, dans le camp de l'ennemi. Il faut donc cesser toute velléité. Et par conséquent, il faut délivrer les enfants qui se trouvent encore dans les ténèbres. Et il dit, ouvrez les yeux. Comment devrait-il ouvrir les yeux? Seulement en bavardant comme on bavarde là. C'est seulement comme ça. N'est-ce pas ma soeur? Prêche ma parole, j'habiterai dans le cœur. Point final. Tu dis, ah, donc c'est ce qui s'est passé, je ne savais pas ça. Puis, c'est ouvert. Tu dis, à partir de maintenant, je vais prêter attention maintenant. Il est entré. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan. Tu as dit tout à l'heure, il y a cela deux jours qu'il y avait un pasteur qui est venu, il a dit, désormais, on ne parle plus de Satan ici, on ne parle plus. Mais ici, Jésus lui donne la mission que il faut qu'on délivre les gens de la puissance de Satan. Si tu ne parles pas de Satan, ça se passe qu'on va, on fait comme si on veut ignorer la puissance de Satan. Vous ne pouvez pas être sur la terre en ignorant la puissance de Satan parce que c'est lui le maître du monde. Il a les tactiques, il va falloir prêcher ça aux enfants de Dieu que le maître du monde en train de faire comme ça. Faites attention ici. La Bible déclare que nous savons, dans 1 Corinthiens, enfin 1 Jean chapitre 5, verset 19, que nous savons que nous sommes des dieux et que le monde actuel est sous la puissance du malin. Et l'apôtre Paul va même plus loin en disant que car nous n'ignorons même pas ses desseins. Donc il connaissait les desseins de Satan. Il connaissait que c'est le plan de Satan, c'est pour la destruction des de ses enfants. C'est quoi le passage? 1 Jean chapitre 5, premier épître des Jean. Premier épître des Jean, chapitre 5, verset 19. Amen. On y va? Maintenant, il dit, je regarde encore ceci. D'une part, dans Colossiens chapitre 1, tout à l'heure, nous avons lu avant d'arriver ici, dans Colossiens chapitre 1, verset 12, 11 et 12, il a dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Regarde donc la terminologie qui est écrite là-bas. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés. Vous voyez? Donc, il y a une œuvre de la rédemption qui a été faite effectivement. Donc, sur le plan spirituel, c'est accompli. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et ici, il en est donné la mission à l'apôtre Paul d'aller le faire. Même chose qu'il a déjà fait. Ce sont ces choses-là qui ont fait le temps que les gens des New Age, des pasteurs de Kingdom Now, prennent les passages des Colossiens, ils oublient les choses comme ça. Ils prennent ça et disent, oh, Christ a tout accompli pour nous. Si on n'a plus besoin de bagarre contre les démons. Si on vous dit que vous êtes possédé, il ne faut pas croire cela. Mais pourtant, les gens sont possédés. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul devait faire lorsqu'il devait rencontrer les gens qui sont dans les ténèbres? La Bible déclare dans le livre des 2 Thessaloniciens, chapitre 1, il dit, on rapporte à notre sujet comment nous avons eu accès à vous. La parole vous a été prêchée, non seulement en parole, mais avec puissance. Et vous ignorez pas que c'est ainsi que nous avons produit au milieu de vous. On raconte donc comment vous avez abandonné les dieux, les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, il fallait une puissance pour accompagner la prédication, pour permettre la séparation d'avec les ténèbres. Et c'est aujourd'hui, il y a des chrétiens donc, qui essaient de dire que non, il n'y a plus de démons. Pour moi, le démon n'existe pas, on leur donne trop d'importance. Donc, Jésus lui-même aurait fait des importances en donnant des importances aux démons. Non. Ces choses-là sont faites en sorte que les gens ne prêchent pas cela. Les démons sont assis en plein là-dedans, empêchant les gens de marcher comme Dieu veut. Les ténèbres et leur règne doivent quitter la lumière et son règne. Ça doit être séparé parce que dès le départ, Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière. Ici, encore, il donne la mission de séparation à l'apôtre Paul. Donc, fais-les quitter les ténèbres pour passer à la lumière. Donc, désormais, les ténèbres n'auront plus de puissance sur eux. Satan ne pourra plus régner sur eux. Amen. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, le verset 23 à 26. 2 Timothée, chapitre 2, verset 23 à 26. L'apôtre Paul parle là aux serviteurs du Seigneur qu'il ne faut pas qu'ils aient des querelles, mais qu'ils doivent au contraire redresser avec condescendance les adversaires. Il est dans l'optique que Dieu leur donnera la repentance et que revenir à leur bon sens. Vous voyez ça? Revenir à leur bon sens, il se dégagera le piège de Satan. Qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. Donc tout opposant de la vérité de la Bible a été captivé par Satan. Par le puissant de Satan. Pourtant, il ne voit pas Satan. Pourtant, il ne voit pas Satan apparaître à la maison. Il peut être un virulent croyant, un prédicateur, mais à l'instant, il commence à contredire les Écritures. À cet instant-là, Satan là s'est emparé. C'est terrible. Il lui faut la délivrance. Sans ça, il ne peut pas avancer. Dis mon frère. Frère, pour moi, tu es en train de parler, je suis en train de voir quelque chose parce que, effectivement, c'est un point sur la question des démons. Oui. Des démons qui jouent un rôle très important. Je crois qu'on reviendra peut-être dessus. Dans le monde des ténèbres, oui. Étant les agents qui, on va dire, agissent. Parce que Satan n'étant pas omniprésent, il ne peut pas être présent dans la vie de tout le monde. Mmh. Donc il faut qu'il arrive à contrôler la vie des gens. Mmh. Et donc, de la même façon que l'on voit que l'œuvre de la rédemption apporte en celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, être possédé par l'Esprit du Seigneur, venir habiter dans son corps. Donc de la même manière aussi, le monde des ténèbres voulant singer Dieu travaille effectivement à posséder les gens. Absolument. Par les démons. Absolument. Ce qui fait qu'au travers de différents actes que les gens peuvent poser anodinement, sans même s'en rendre compte, ils se font posséder absolument. Par les démons. Absolument. D'où donc effectivement la nécessité très souvent de la délivrance. Là maintenant, ça me permet de pousser le bouchon au loin. ça va me permettre de pousser le bouchon au loin maintenant en traçant beaucoup de sillons. Vous permettez? Il y a plusieurs niveaux de possession démoniaque. Il y en a plusieurs niveaux. Il y a des démons extrêmement calmes et gentils. C'est-à-dire que ce style de démon, dans la vie de quelqu'un, lui donnera de la gentillesse, le calme, la maîtrise de soi, comme les francs-maçons. Tous les francs-maçons sont possédés. Mais s'il y a quelques gens qui ont des techniques de maîtrise de soi, c'est eux. Donc c'est un démon calme qui leur donne de se maîtriser. Celui-ci ne fait pas de désordre. Il y a des démons bruitiers de pentecôtistes, par exemple, que lorsqu'ils voient aux apôtres, c'est toujours les démons. C'est catégorie par catégorie. Il y a des démons, maintenant, c'est encore le plus subtil. Il y a des démons de prédication. L'autre, c'est différent. Démons de prédication, c'est-à-dire, ceux-ci sont ouants à l'image du Saint-Esprit. De Timothée. Je crois que nous avons lu ça un de ces jours ici. Regardons cela. Là, prenons 1 Timothée. Souvenez-vous maintenant, cette dernière catégorie que je viens de citer là. Cette dernière catégorie que je viens de citer, l'imposant des mains ne les délivrera pas. Il faut que Jésus-Christ les apparaisse. Sans ça, ils ne seront jamais délivrés. Alors, maintenant, 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 4. Nous avons lu ça un de ces jours. Je crois que dans nos quand nous voyons le problème d'Israël. Chapitre 4 de 1 Timothée. Puis après ça, nous allons aller dans 2 Pierre. 1 Timothée chapitre 4, on y va. Verset 1. Verset 1, oui. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Vous voyez comment le niveau où le Saint-Esprit a positionné ça ici. Si on commence du dernier verset, du bas vers le haut, on commence à voir qu'il y aura des gens qui vont venir appeler des docteurs qui ont la marque des flétrissures dans leur propre conscience. C'est-à-dire que leur conscience est faite avec le bureau de fer, c'est terminé, c'est scellé pour l'enfer. Et ces personnes-ci sont au d'un certain esprit appelé esprit démoniaque et vont enseigner par cet esprit-là pour séduire, pour pousser les gens à quitter la voie de la vérité. Donc c'est le prédicateur possédé. Pas possédé au style où ils ont fait l'erreur avant que les démons aient entré. Ça, c'est le plus haut niveau de la possession ici. Parce qu'ici, ils limitent, avec ça, donc, ils limitent le Saint-Esprit. Parce qu'eux, ils produisent le miracle sur la scène. Ils produisent les prophéties sur la scène au point où ça peut sembler être vrai comme le Saint-Esprit. C'est terrible. Voici le plus haut sommet de la possession. Donc les démons se manifestent donc en plusieurs catégories. Des gens qui ont des courbatures à cause des démons, des gens qui ont des maladies jetées par les sorts, des gens qui ont été visiter les marabouts et que les démons sont entrés par l'issue du fait qu'ils sont allés ouvrir leur propre champ de vie spirituelle aux démons. D'autres qui sont nés dans une famille idolâtre et que l'idolâtrie familiale les a pris, c'est autre niveau. D'autres, les démons d'idolâtrie religieuse, ceux qui vont dans les grottes telles que Lourdes, qu'ils adorent au travers de la croix, d'une croix ou bien d'un crucifix, adorent les démons et par conséquent sont possédés par ces choses-là. C'est plusieurs catégories, mais voici la plus grande des catégories. Parce que ici, il faut être prophète pour affronter ceci. Parce qu'on ne peut ici, pour qui, s'ils doivent être délivrés, c'est Jésus-Christ en personne qui doit être parmi eux, devant eux. Mais donc c'est rare. Ouais. Donc c'est extrêmement rare parce qu'en réalité, on nous dit qu'ils portent la marque de flétrissure dans leur propre conscience. De Timothée, de Pierre, avançons devant là. Donc nous parlons des règnes des ténèbres et des règnes de la lumière. Et chacun doit choisir son camp et sa position. Et manifestement, on voit sur la scène publique. Sur la scène publique et sur le paysage religieux, comme si ce sont ceux qui dominaient pour l'instant. Parce que la voix du Saint-Esprit est rare et ne se fait même pas comprendre, ne se fait même pas entendre. Parce qu'ils ont pignon sur eux, ils sont en majorité en principe. Lisons chapitre 2, à partir du verset 1. Mes petits enfants. Au chapitre 2, non, tu es dans 1 Jean là, 2 Pierre, 2 Pierre, 2 Pierre. Ah, punaise. 2 Pierre, chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. S'il te plaît, la voix là-bas. Donc, il vient de dire, il y aura parmi vous, donc parmi les chrétiens, au milieu des chrétiens, il y aura de faux enseignants. des faux docteurs. C'est ce que et l'apôtre Paul a dit, l'esprit dit expressément. Donc ça veut dire l'esprit, ça veut dire l'esprit vous a déjà averti. C'est ce qu'il a dit. L'esprit vous a déjà averti qu'on ne peut pas changer ces choses-ci. Il y aura parmi vous des faux docteurs, oui, qui introduiront des secrets pernicieux. Des sectes, oui. Tu vois, ton écriture est assez petite. Hein? Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Oui. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà. Donc, la Bible déclare que le trait commun pour les reconnaître, c'est la cupidité. Le verset 3 commence par deux mots, par cupidité. Par cupidité. Dont la source, leur inspiration, le standard, le socle de leur ministère, c'est la cupidité. Il dit par cupidité, ils trafiqueront du vous. Donc, ils vont trouver des paroles pour pouvoir te tourner. Tourner en rond, tourner en rond. Il faut acheter le livre, acheter telle chose, ça va te donner le bénédiction. Après, telle chose, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc, il a donné le signe pour le reconnaître. Maintenant, il y a une chose qu'il dit dans le verset 1. Il dit qu'il réunit le maître qui les a rachetés. Mais pourtant, on a dit que c'est le faux docteur. C'est quand même amusant, la Bible. On dit qu'il les a rachetés. Oui. Il renie qui? Il renie le maître qui les a rachetés. Non, on parle de Jésus ici. On dit ces enseignants-là renient la façon par leur enseignement. Ils renient là le maître. Et on signifie que ces maîtres-là les a rachetés. C'est quand même curieux. Or, pourtant, on nous a dit que ce sont des gens qui portent la marque de fiducie dans leur propre conscience. En bas, ici, on va parler que ce sont des astres errants. Ils sont nés pour être pris et jetés dans le feu. C'est ce qu'on a dit d'eux. Mais on dit qu'il les a rachetés. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas payé seulement pour le péché de son peuple. Il a payé pour tous les péchés qui se soient passés sur la terre. C'est pour tout le monde qui se soit passé sur la terre, en réalité. Sinon, une partie de la terre, une partie de l'univers sera sans rédemption. Et Jésus les a rachetés. Oui. C'est-à-dire qu'il les a pardonnés. En fait, le péché de tous sont pardonnés. Mais par incrédulité, maintenant, on n'y entre pas. De quoi? Tu vas aller doucement. Parce que, oui, d'accord, bon, ok, admettons, Jésus les pardonne. Oui. Il continue à faire, faire des dégâts. C'est pour montrer, effectivement, qu'il n'accepte pas le pardon du Seigneur Jésus. Parce que le verset 19 et 22 nous explique cela. Qu'est-ce que ça dit? Le verset 19 à 22. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Mmh. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Voilà. Donc vous voyez que malgré que Christ les a franchis, la Bible déclare qu'ils sont esclaves de la corruption. Il dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Or, le Seigneur avait dit dans Jean chapitre 8, verset 30 que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mmh. Donc le Fils a racheté, les a rachetés par rapport au péché, mais ils sont esclaves encore, ça les a toujours triomphés. Le péché. Oui, mais dans ces cas-là, c'est ce que je comprends pas, c'est pourquoi le mal continue dans ces cas-là. C'est parce qu'il y a les agents du mal. C'est ça que nous voyons, qu'il y a les agents des ténèbres sur la terre, il y a les agents de la lumière sur la terre, et les agents des ténèbres sont plus nombreux parce que c'est leur heure de domination. Et pourquoi ils ne les délivrent pas, puisqu'il n'y a que Jésus qui peut les délivrer. Nous touchons donc maintenant à un autre niveau de l'évangile, c'est les deux semences. Il y en a deux lignées sur la terre, d'autres qui appartiennent à Dieu, d'autres qui n'appartiennent pas à Dieu. Parce que je pense pas que c'est eux-mêmes qui vont dire, tiens, j'ai ce fameux démon là en moi, oui. Je veux être délivré, Jésus vient me délivrer. Voilà. Maintenant, lorsque tu vois les prédicateurs, comme nous mettons par exemple l'ordinateur, nous voyons les prédicateurs blasphémés, d'autres qui achètent des montres à 5 millions, ils ont des produits de 25 milliards. Lorsque tu regardes l'image de ces prédicateurs en regardant la Bible, tu penses que ça peut être un prédicateur de la Bible? Est-ce que le Seigneur qui a envoyé les disciples ici a envoyé celui-là? La question maintenant c'est, alors, si tu vas vers lui avec la Bible, il va prendre des versets dans cette Bible-ci pour se retourner dans le phare. C'est ça le problème. Là, il faut maîtriser la Bible pour contrer ce qui va... Non seulement maîtriser la Bible, ils fonctionnent avec l'esprit. Parce que la Bible ne déclare pas l'hypocrisie des faux docteurs, pressionnant parce que on dit que quelques esprits séducteurs et les enseignements des démons. Donc ils sont vraiment loin d'un esprit. Et quand ce sont les esprits, l'intellect ne suffit pas pour les contrer. Chez un marabout, par exemple, quand tu t'assois chez un marabout qui a l'esprit, il peut te dire que ton nom c'est tel. Pourtant, c'est un être de chair comme toi. Ça, c'est un esprit qui vient de donner le renseignement. Ouais. Là, tu ne peux pas essayer de le contrer par ton intelligence. Parce que quand tu vas vouloir faire telle chose, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai en main? L'esprit là lui dit qu'il a le big rouge. Il te dit que tu as le big rouge. Comment tu vas faire? Donc, ici, on confronte l'esprit avec l'esprit. Au-delà d'avoir la connaissance de l'ivresse de l'écriture, il faut le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut le mettre en faute. Parce que le Saint-Esprit qui peut le pousser en faute pour le mettre en spectacle. Sans cela, tu ne peux absolument rien. La preuve en est qu'ils sont là. On vient de voir quelqu'un là qui a la carte. Vous savez, là où vous mettez la carte bancaire. Il finit de dire que celui qui va mettre l'argent important, c'est soit que Dieu se souvienne de lui. Il ne peut pas dire que Satan se souvienne de lui. Il ne peut pas dire. Mais ce qu'il a fait, il sait dans sa pensée qu'il dit que c'est de la fausseté. Et comment sait-on quand on a le Saint-Esprit? Bonne question. Je crois que j'ai des bonnes questions, des bonnes questions. J'ai compris qu'il fallait être délivré. Oui. Il fallait être baptisé. Oui. Mais après? Le Saint-Esprit. Il sonne à la porte. Il arrive. C'est ça que c'est compliqué. Savoir si on a le... Non, tu vas savoir. Tu vas savoir. Et quoi que, je crois que ce sera l'un des thèmes dans cet enseignement demain. Comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Quand est-ce qu'il est là? D'accord? Il faut comprendre que c'est il faut comprendre le temps dans la vie pour voir cela. C'est ça. S'il y a une ère où les chrétiens ne doivent pas vivre sans ça, c'est cette ère-ci. Ça, c'est dangereux. Il y a deux choses qui parlent souvent, oui, dans les églises en France. Saint-Esprit. Saint-Esprit est né de nous. En fait, les deux sont liés. Mais comment, oui, mais je veux dire, on ne nous explique pas, on va vous dire en prêchant. Ah, faut naître de nouveau. Faut être né de nouveau. Et des fois, t'es né de nouveau. ouais, je suis tombé sur pile là. Ouais. C'est fou. Alors, ce que je disais l'autre jour. Et des fois, ils nous posent des questions. Est-ce que t'es né de nouveau ou est-ce que Dieu t'a visité? Il m'a visité, c'est-à-dire. Je dormais, il est arrivé, il y a une lumière, rien. Nous allons voir tout ça dans la parole. Et ce sont des grands thèmes de la Bible qu'il est important qu'on voit et qu'on dissèque. On dissèque maintenant en mettant le faux. On essaie de nettoyer le faux du vrai. Mais Antoine de France se trouve dans le règne des ténèbres. Parce que même s'il y a confusion dans ce domaine-là, l'ennemi a intérêt à ce qu'il y ait des confusions. Parce que dans la confusion, lui, il règne. Et il continue à son avancée. D'où la nécessité de revenir à la doctrine telle que c'est prêché. Parce que si on s'en éloigne, on se trouve encore une fois de plus dans son périmètre. Lorsque les militaires, lorsque la licorne par exemple se place en plan quelque part, ils mettent une barrière et ils mettent là-bas les tours pour pouvoir garder là-dessus. Des gens qui vont passer les tours de garde à rôle pour pouvoir surveiller l'ennemi qui ne peut pas y entrer. Alors en sortant de la barrière pour aller quelque part, il faut avoir soit un objet de mission ou bien un but pour lequel tu sors. Et ça doit être signalé dans le temps pour savoir que nous sommes sortis de tel lieu pour tel lieu. C'est en être exactement la même chose avec la vie chrétienne. Notre camp a été tracé. On a dit qu'on ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Ça sortit d'ici. Pour aller au-delà de ce qui est écrit, c'est s'aventurer sur le territoire ennemi, donc dans le règne de Satan. Il est maître de cela. Lorsque tu te trouves dans cet univers où il n'y a pas l'écriture, il peut te basculer et te baloter n'importe quelle direction. La personne qui ne peut pas vaincre, c'est la personne qui est loin de l'Esprit de Dieu et qui reste derrière, il est écrit. Et c'est sur cela qu'on va être entraîné. Oui, frère, il y a deux points sur lesquels je voudrais vraiment que, si possible, si le Seigneur donne une autre direction pour y répondre prochainement. Oui. Sur le point du rachat, oui, du Seigneur. Oui. Aujourd'hui, on a deux tendances, oui, de façon générale dans l'Église. Ceux qui pensent qu'on peut perdre le salut, mm-hmm, et que Dieu est venu sauver toute l'humanité dans, voilà, son sens global et tous les hommes, mm-hmm, et ceux, effectivement, moi, qui ont compris que Dieu n'est pas venu sauver tous les hommes, ouais, toute l'humanité, bien que c'est écrit, oui, à plusieurs fois. Ça semble être dit ça. Mm-hmm. Donc, maintenant, est-ce que cela ne va pas conforter le fait de dire que le rachat, oui, est global, le rachat, le Seigneur a racheté, oui, est-ce que cela ne va pas conforter l'idée des gens qui vont dire, mais voilà, tiens, il est effectivement venu racheter l'humanité et tous les hommes, et qu'il y a certains qui ont cru, ouais. Et à d'autres qui n'ont pas cru. Sachant même, si on va en toile de fond, que croire, ce n'est pas une affaire des hommes. Ce n'est pas un homme qui se décide, ah tiens, je crois, non. C'est un travail de l'esprit. Si le Seigneur nous attire par lui, s'il nous appelle par lui, personne ne peut croire en lui. Quoi qu'il advienne, c'est quelque chose qui... C'est ça qui fait la force de Dieu, c'est que c'est un don. C'est une grâce imméritée. Donc, c'est un don imméritée, une faveur imméritée. Donc, comment effectivement faire la part belle des choses, comment comprendre ces passages qui semblent être des contradictions. Permets que je revienne sur ces passages du verset 1 et 2 de 2 Pierre pour expliquer cela, et on va étayer cela dans cette explication-là. Malgré que les Écritures semblent s'entrechoquer, il faut quand même dire la vérité. Tout à fait. Quand le diable dans Matthieu chapitre 4 dit, ou bien dans Luc chapitre 4, dit au Seigneur Jésus, prosterne-toi et adore-moi, et je te donnerai ses royaumes et sa puissance, car cela m'a été donné, et je le donne à qui je veux. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible que Dieu a donné la terre à Satan? Non. Nulle part. Il n'y a pas de passage que Dieu a dit à Lucifer que la terre t'appartient. Mais c'est par la révélation des Écritures, plus tard, le Jésus lui-même dit, le prince de ce monde-ci vient. Lui-même, il affirme que Satan est le prince de ce monde. Quand a lieu donc la transaction? La transaction. Tu vois? Maintenant, après, son disciple dit, dans 1 Jean chapitre 5, nous avons cité aujourd'hui, que nous savons que nous sommes de Dieu, et le monde actuel est sous la puissance du mal. Voilà. Dans Apocalypse chapitre 11, versets 15 et 17, la Bible déclare que lorsque le dernier orage va sonner la trompette, Dieu va entrer en possession maintenant du règne. Donc, entre-temps, ça se trouve sous sa direction, parce que le salaire du péché, c'est la mort. L'aiguillon du péché, donc, c'est la loi. Et par conséquent, comme Satan a fait tomber tout dans le péché, tous, le bananier par exemple, les autres arbres en automne, les feuilles tombent. Parce qu'il n'y a pas la vie. Il faut réduire pour pouvoir résister. Qu'est-ce que l'arbre a fait pour subir cela? Pourtant, elle a été créée verdoyante. Il y a un problème. Ça veut dire que le péché est entré dans toutes les souches de la société, de l'univers. Bien plus encore, Jésus n'est pas seulement versé son sang sur la terre. La Bible déclare qu'il est allé au ciel pour verser son sang aussi. Donc, ça veut dire que la bagarre a touché même au ciel. C'est terrible, pas vrai? Alors, ça veut dire quoi concrètement? Le Seigneur Jésus n'est pas seulement venu pour réparer le tort de ses enfants. Il a réparé à ricochet le tort qui a été causé dans tout l'univers afin que toute la création soit restaurée. Puisque la Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Donc la création, puisque la création est tombée sous nous et avec nous, la création est rachetée avec nous. La création est tombée sous nous, avec nous. Parce que les fils ont chuté et par conséquent ont fait chuter toute la création qui était sous leur direction. Le rachat de cette création, de la nouvelle créature, de ses fils, automatiquement donne leur rachat. Des fils. C'est le rachat des fils qui donne leur problème. Or, le péché ne peut pas être dans l'univers de façon sporadique. Le péché doit être enlevé dans sa globalité. Et par conséquent, potentiellement, tous les êtres humains sont pardonnés. Potentiellement. Tous les êtres humains et les pécheurs et les non-pécheurs. Puisqu'avant que tu ne naisses, le prix du sacrifice a été payé pour toi. Avant que tu ne naisses, il a versé son sang il y a ça 2000 ans. Ce n'est pas au moment où tu dis, Seigneur, je te pardonne, mais je te demande pardon pour mes péchés, tu te pardonnes. Parce que là, il va falloir que tu parles comme ça et puis il aille à la croix. Or, il a payé pour les péchés passés que tu n'as pas encore commis. Les péchés que tu vas commettre, les péchés que tu commettras pour toujours. Et il a payé avant que tu ne naisses. C'est quand même bizarre. Donc, quand quelqu'un dit, Seigneur, pardonne mes péchés. Il ne va pas à la croix parce qu'il est allé à la croix une fois pour toutes. Bien plus, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 14 à 19 que en allant à la croix, il a amené à la perfection à l'issue de cette croix-là pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire que non seulement il est allé à la croix, il les a sanctifiés, il les a justifiés, on ne les condamnera plus jamais. Maintenant, le problème c'est au niveau de la manifestation. Les gens se manifestent au fur et à mesure pour que le corps sorte. Le liquide des spermatozoïdes entre dans la gamète femelle, au fur et à mesure que ça grandit, l'os, finalement, quelque chose qui était liquide devient osseuse. On voit les yeux, les températures, les cheveux noirs et autres. Dans cette liquide qui était initialement un petit état qui versait là, se trouve tout ce que tu vas avoir dans ta vie. C'est écrit. Et donc là, l'Église était en gestation en lui. Il est allé avec l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui vont être rachetés. Il est mort pour eux, mais maintenant il est manifesté de l'intérieur. C'est ça le problème. On n'y entre pas. On est manifesté de l'intérieur. Et on est rendu à l'extérieur visible. C'est ça ce que la Bible enseigne. Et par conséquent, ceux-ci, qu'ils soient prédicateurs venant du faux côté, son péché également est pardonné. Le verset 22 ici dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Vous voyez? Ils ont été lavés de leurs souillures, pas sauvés. C'est ce qui est écrit là maintenant. Toute personne peut être... Judas, par exemple, Judas avait été lavé de ses souillures. N'est-ce pas? Judas Iscariote avait été lavé de ses souillures. Les vierges folles, les vierges sœurs avaient été lavées de leurs souillures par la sanctification, par la parole. Mais quant à ce qui est du scellement du salut, c'est une autre chose. C'est ce qu'il y en a. Alors, donc, on va y revenir dans la deuxième partie de Péton Père le salut. On va toucher principalement les points difficiles qui sont ici dans la Bible, c'est à comprendre. Dans 1 Timothée chapitre 2, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Hébreux chapitre 6, la terre, il est imposé que ceux qui ont goûté le don se lèvent, ainsi de suite, qui sont tombés, soient amenés à la repentance parce qu'ils crucifient pour leur part. Le Fils de Dieu, il a supposé. Donc, frère, si on peut récapituler simplement pour que peut-être les gens comprennent le plus simplement possible. Oui. Le rachat, le Seigneur le fait pour tous les hommes. Oui. Mais les bénéficiaires de ce rachat sont ceux et seulement ceux qu'il a rachetés, qu'il a connu d'avance, qu'il a prédestiné à absolument. Cela. Afin que aussi, de même que ce rachat est un témoignage, on va dire, de vie pour ceux qui acceptent le absolument. Seigneur, exactement. De même ce témoignage, ce rachat aussi, est une condamnation pour ceux qui ont refusé. En fait, c'est ça. En fait, nous y voilà. Et nous manifestons là les deux œuvres. Parce que celui qui est prédestiné par lui, son enfant à lui, comprend qu'en réalité, il corrige sa vie. Mmh. Il corrige sa vie et il marche en conséquence dans la lumière, comme on le dit ici, comme les enfants de lumière, soyez les imitateurs de Christ. Mmh. Tandis que, malgré que. Et la Bible. Allons dans la Bible. C'est merveilleux là. Regardez au chapitre 1 ici. Chapitre 1 de 1 Pierre, de 2 Pierre, où nous étions tout à l'heure. Regardez, je vais lire à partir du verset 3. Écoutez très attentivement maintenant. Vous y êtes. Seconde épître de Pierre au chapitre 1. Verset 3. Je vais lire. Comme, ça commence par comme. Vous y êtes. Je vais lire doucement, parce que c'est concassant là maintenant. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez? Donc, à la connaissance, on dit la divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la piété. Ça nous a déjà donné. Ça, c'est potentiellement, encore une fois de plus. Mais il faut que la réalisation, la faisabilité, la manifestation soit là. Parce que si ce n'est pas vrai pour toi, ça reste dans le livre. Maintenant, il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles, ces promesses-là, vous deveniez participantes de la nature divine. Pas que nous avons la nature divine maintenant. Par cette promesse-là, quel qu'il sera, on sera de la même façon parce qu'on aura le même corps comme lui. En fuyant, vous voyez, la conséquence est claire. Ça veut dire que nous, si nous sommes de ce groupe-là qui a été appelé, il dit, nous comprenons la promesse qu'il nous a faite d'avoir le même corps que lui. Il dit, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Là. Il dit là maintenant, pour ceux-ci, ceux du groupe qui sont appelés de lui, il dit, à cause donc de cela, le verset suivant qu'on dit, faites donc tous vos efforts. C'est quand même terrible la Bible aussi. On a comme impression que quand tu es sauvé, tu parles de, comme les gens le disent, ok, dans ce cas c'est comme ça, ils croisent le bras parce que ce sont les conséquences de cela. Il y a une conséquence logique de la connaissance que tu es de la lumière. Parce que la Bible déclare que vous étiez enfants de ténèbres, maintenant vous êtes lumière, agissez comme les enfants de ténèbres, comme on a lu dans l'Épître des Hébreux aujourd'hui. Ici il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre, ça c'est la part de l'homme, pour joindre à votre foi la vertu. C'est quoi la vertu? Il faut qu'on s'arrête ici pour parler de tes dons, des manifestations de l'esprit. Ça veut dire que si les promesses de l'esprit sont pour toi et que tu ne vois pas dans ta vie, tu dois faire ta part d'effort, c'est tout ce qui est de ton côté pour l'avoir. Parce que la foi est là, potentiellement. Ça veut dire que par la foi c'est le bras par lequel on obtient n'importe quoi de Dieu. Alors, qu'as-tu fait avec la foi que tu as pour pouvoir obtenir l'accès à Dieu? Tu veux? Pour jouer à votre foi, la première chose qu'il a dit, c'est la vertu. Il dit à la vertu, la connaissance, la science. à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Il arrive quelque part, à la fin, là, tu vas dire ces choses. À la piété, l'amour fraternel, la charité, dans le sommet. Mm. Puis il dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est que logique. Le simple fait que les chrétiens se livrent à la distraction et cherchent des pique-niques chrétiens, distractions chrétiennes, c'est à cause du fait que ces choses manquent au milieu chrétien. Voici ce qu'on doit cultiver le chrétien à avoir. L'apôtre de Pierre dit ici que si ces choses sont en vous, en nous, ça ne nous laissera pas oisifs. On n'aura pas le temps pour se distraire. Mm-hmm. On n'aura pas le temps pour aller dans les distractions. On cherchera, dans le chapitre 3, il parle de grandir dans la connaissance de Christ. On va grandir davantage. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens, dans Hébreux chapitre 5, en parlant de vous aurez pu être des maîtres, mais vous êtes encore au lait, à ce qu'on vous donne des rudiments encore. Donc ça dit qu'on devait entrer dans une autre dimension spirituelle avec le Seigneur. Parce qu'avec la tempérance, connaissant l'amour, ayant la vertu, la foi, c'est suffisant maintenant pour regarder quelqu'un avec amour et parler droitement dans la vérité, avec la manifestation de l'Esprit. Puis il dit, mais c'est lui, verset 9 enfin, mais celui en qui ces choses, les choses sont plurielles, les choses qu'on a listées là-bas. Ces choses ne sont point, écoutez bien maintenant, est aveugle. Alors, l'apôtre Paul a reçu une mission dans le chapitre 26 des Actes d'Apôtre d'aller ouvrir les yeux. Voici quelqu'un qui est aveugle, bien qu'il a la promesse. Bien qu'il a la promesse du salut et de l'héritage avec les cinq qu'on a vu là-bas au verset 3. Il dit, il est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Par conséquent, on a purifié ses anciens péchés. Comme il ne voit pas de loin, il peut entrer dans la distorsion et vivre dans le péché comme il se doit, croyant que tout est permis. Qu'est-ce qu'il faudra faire? L'apôtre Paul répond, l'apôtre Pierre répond au verset suivant. Il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous. Là, c'est ce qui donne au chrétien. Donc, il y a une vie conséquente pour ceux qui ont hérité de cette grâce de rachat. Pour les autres, effectivement, ils ont été rachetés, ils seront condamnés parce que leur vie sera une condamnation désormais. Parce qu'ils ne devraient pas être là-dedans. C'est pour ça que dans ces deux, chapitre 2, ici, verset 21, verset 21, il dit qu'il est promesse de la liberté. Il vient prêcher. Et ces prédicateurs, ils viennent prêcher. Tu seras libre alors que lui-même, il est captif. C'est pour ça que ces pasteurs peuvent prêcher. Où on dit, oh, il a pris, les gens sont tombés, mais lui vit dans l'adultère. Mm. Tu entends qu'un pasteur a une autre femme là-bas, il a un enfant là-bas, mais on dit, ah! Qu'est-ce que les gens disent comme solution? Ils disent non, c'est quand même un homme de chair. C'est quand même un homme de chair. Il est quand même fait de chair. On a jamais exigé un prédicateur qui fait un corps d'angélique. On a seulement dit qu'il soit modèle du troupeau. Alors, ici, c'est tout dans les Saintes Écritures. La Bible déclare donc que ça valait la peine pour eux de ne pas connaître la voie de la vérité. Ils partent étudier qui est Jésus. Ils regardent qui est Jésus, ce que Jésus a fait à la croix. Après, ils s'aventurent dans la voie du mal. Donc, c'était mieux pour eux qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils seront plus jugés sévèrement à cause de cela. Pas qu'ils ont été en Christ déjà et puis ils sont sortis. Parce qu'on est en Christ pour toujours. Quand on est en Christ, c'est pour toujours. La preuve qu'on est en Christ, c'est qu'il nous a donné de son esprit, dit la Bible. Il ne peut pas te donner ton esprit, puis il reprend. Ça n'a pas de sens. Amen. Verset 10 dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. On a une vocation. Lorsqu'on feuillait le CV de Kofi Annan, ça va dans les 23 pages, 24 pages. 23 pages, 24 pages. J'ai un de mes amis qui était le garde du corps de Kofi Annan quand ils sont venus à un sommet à Yaoundé. Il me racontait une histoire parce que chaque fois qu'on me raconte une histoire, je prends du côté spirituel. Il dit qu'on voit, on voit le papa. Lui, les gardes du corps. Donc, ce sont des gardes rapprochés. Lorsque le chef d'État vient, les gens de la garde présidentielle, on dispatche. Toi tu vas garder Kwame Nkrumah, toi tu vas garder telle personne. Donc il me racontait l'histoire de Kofi Annan. Il dit ces gens là ils sont encore l'impression que ce sont pas des êtres humains parce qu'à leur âge on s'attendait à ce que même depuis le travail il se fatigue, il passe se coucher. Il dit qu'il est étonné d'ouvrir chaque fois excellence est-ce qu'il le trouve en train de travailler à son âge. Il le trouve de travailler, il travaille de 20h jusqu'au matin, il se lève le matin, il brosse, pour aller au palais de Congrès comme ça 5 jours. Lui-même qui est garde du corps, qui est censé garder, il dit tant qu'il somnole, mais le papa, lui ne somnole pas. Et ah, il s'est posé la question. Il dit, comment cet homme s'est fait comme ça quand il fait dans la diplomatie? En ce temps, il n'était plus secrétaire des Nations Unies. Parce que maintenant, il joue le rôle de médiateur dans les conflits. Alors il dit, quand il est secrétaire des Nations Unies, il a beaucoup de dossiers. Dans tel endroit, il a beaucoup de dossiers. Il travaille, il continue toujours à travailler. Il dit, comment ces personnes s'y mettent du sérieux dans leur travail. Donc, il dit, il a étudié beaucoup et il prend beaucoup de temps pour faire quelque chose par rapport à un dossier, pour vérifier qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de, de fuite, il n'y a pas de quoi quelque part. Vous savez ce à quoi ça m'a poussé à comprendre? Ça veut dire que eux, pour faire des choses du monde, prennent du temps, du sérieux. Il peut aller faire un MBA, il a au moins 4 MBA, il peut faire 4 MBA, MBA à Harvard, l'autre là-bas, parce qu'il étudie pour pouvoir joindre, la connaissance à ces choses-là, pour pouvoir bien faire son parcours. Le chrétien reste comme ça. La Bible là, c'est trop de pages. C'est ce que le chrétien dit. Bon, il veut donc que Dieu a écrit ça ici. Il dit que celui qui lise fasse attention. On ne veut même pas d'abord lire. Donc on a un problème. Alors il dit ici, il verset dit, il sait pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre leçon. Car en faisant cela, en affermissant, vous ne broncherez jamais. Par conséquent, je détecte 1, j'ai été racheté par le Seigneur Jésus. 2, j'ai écouté sa voix. 4, 3, je suis partant pour le ciel. Quelles sont les choses que je dois faire pour mettre les garde-fous afin que j'arrive à bon port dans cette bulle-là? C'est donc la vie chrétienne, la marche chrétienne, c'est là où on nous attend. On va voir ça en plein lorsque nous allons voir cette l'élection là avec la paix du salut. La paix du salut. Ouais, mais est-ce que ces fameux chefs d'État qui travaillent des heures et des heures, effectivement, on se pose la question. On se pose la question. Moi aussi, je me la suis posée. Quand je vois un peu le rythme de certains... La première fois que j'ai découvert que les gens travaillaient beaucoup, c'est les gens de la télé. Oui. Il y a eu un présentateur d'émission, il expliquait que la nuit, il écrivait des livres. Oui. On se dit, mais comment il fait ? Le type, la journée, il fait son travail, donc il enregistre les émissions, je ne sais pas quoi. Il rentre chez lui le soir, très bien, et puis à minuit, il va être dans son bureau, et puis il va être en train de... Et il y a ce genre de personnes. Il y a d'autres gens de la télé qui expliquent que... par exemple, quand j'ai expliqué que Attali avait été invité, il y a des gens qui lisent 3-4 livres. Minimum dans la semaine. Dans la semaine. C'est infernal. C'est infernal, parce que des fois on parle de bouquins, mais c'est pas la Bible. Hein. C'est 4-5 Bibles. Oui. Et on se dit comment ils font. Alors, parmi tous ces gens-là, il y en a un, j'ai eu la réponse. La nuit tournée whisky, cocaïne. Oui. Pour résister. Pour résister. Et je me suis posé cette question après, plus tard, avec nos politiques, les ministres. Oui. Alors certes, c'est pas toute la semaine, mais des fois, si je vais dans le sud de la France, je vais en Afrique, je vais là. Comment ils gèrent tout ça? Comment ils gèrent? Alors effectivement, pendant peut-être qu'ils sont dans l'avion, ils vont peut-être dormir. Mais peut-être. Ce n'est pas assez. Mais ce n'est pas assez pour moi, perso, le vivre d'une certaine manière. Oui. Je sais que ce n'est pas suffisant. Oui. Alors effectivement, comme tu dis, il faut qu'on dépasse peut-être quelque chose pour... passer le temps nécessaire sur la parole de Dieu. Moi, je me dis, est-ce que les politiques également tournent à quelque chose, ou est-ce que c'est un esprit qui est en eux? Ils ont un plus, quoi. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Parce que je ne dis pas que c'est normal qu'on s'endorme en lisant la parole de Dieu, mais à un moment donné, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Et que ces gens-là, télé, politique, entre autres, c'est plus que des êtres humains. Ouais. Ils sont comme les robots, quoi. Donc moi, je voilà, enfin, voilà. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose. Après quoi, je sais pas. Des fois, ça se dit. Oui. Et ça se dénonce. Ouais. Mais des fois, ça se... Qu'est-ce que la majorité d'entre eux sont, les humanoïdes et les reptiliens? Bon, s'ils sont des reptiliens, nous sommes les gens de l'esprit. Donc, les gens de la lumière. Brillons donc comme en plein jour. Alors donc, dès le départ, Dieu a séparé les ténèbres d'envers la lumière. Il faut que les ténèbres quittent ta vie aussi. Donc, est-ce qu'on peut considérer que la nuit est réservée à Satan? En fait, c'est les attributs. Pas que la nuit lui est réservée. C'est les attributs parce que ça symbolise la nuit, l'obscurité, symbolise les ténèbres. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça qu'on appelle les ténèbres. Les ténèbres, en réalité, d'après la Bible, c'est l'absence du Seigneur. C'est vraiment dit que, puisque les églises dont on parlait aujourd'hui dansent en jour, mais c'est en plein ténèbres, ils sont. quand il a dit à l'apôtre Paul là, donc tu peux, il a dit à l'apôtre Paul ici dans ce Acte chapitre 26 d'aller délivrer, ouvrir les yeux des gens. Pourtant, ils étaient de le voir. De les faire passer des ténèbres à la lumière. Pas les ténèbres, pas la lumière du jour, pas les ténèbres de la nuit, non. Donc, ça veut dire qu'ils sont enveloppés par l'ignorance satanique. Courage d'accord, ma soeur. Tu résistes en bougeant la tête comme ça, mais le sommet en train de te traiter. Et j'aurais voulu réentendre la phrase de Francis. Le rachat est pour tout le monde. Oui. Le rachat, en fait, le rachat que le Seigneur Jésus-Christ a fait ou a accompli au travers de son sacrifice à la croix est pour tout le monde. Tout le monde. Pas seulement les êtres humains. Pas seulement les êtres humains, mais pour toute la création. Toute la création. Maintenant, ceux qui en bénéficient, ce sont ses enfants, ce sont ceux qu'il a connus d'avance, qu'il a prédestinés à cela. Et donc, cela, ce rachat, c'est comme, je veux, comme gage ou bien comme témoignage de la vie du Seigneur en eux. Et ceux qui n'en bénéficient pas, ben, ce sont les fils de la perdition. Donc, on peut ceux qu'il a choisi, on peut les appeler aussi les élus, alors. Absolument. Absolument. Bon, puisque tu es dans le métier, prenons un exemple clair avec ton métier. Vous allez en mission parce qu'il y a peut-être un sursaut de combat, de bruit de bottes à la frontière avec, entre la Bangui, enfin, dans le territoire centrafricain. Oui. Là se trouve la population française dans le pays. Oui. Il y a d'abord un principe de communiquer, vous lancez, il y a le lieu de rassemblement. Où généralement on rentre, ça peut être à l'ambassade, chez l'ambassade, ou telle personne. Dans chacun spot de quartier, il y a des gens chez qui on le sait, c'est la stratégie. Oui. Maintenant, vous sortez de la France, ou bien une mission sort de la France pour aller sécuriser ce peuple-là et le faire sortir. Dès le départ, en quittant la France ou bien dans une autre base militaire française, dans n'importe quel pays de l'Afrique, lorsque vous quittez, vous avez un objectif, c'est faire sortir les Français. Oui. Maintenant, il se pourrait, parce que dans la mission, on est toujours flexible. Il se pourrait que vous allez chez des Français. Les Français ont tellement noué le contact avec des Africains qui sont au point de dire, faites-nous sortir seulement de ce territoire-ci. Malgré que vous êtes venu pour cela, vous mettez le territoire en sécurisant. Mais les gens qui bénéficient de la délivrance de ce territoire-là, ce sont les Français. Oui. Mais pourtant, vous avez mis les autres au large. Vous pouvez les prendre là-bas, les enlever hors de ce combat. Ils n'ont pas à subir cela, mais la mission. Les gens ont bénéficié de cette mission, mais pleinement. Ceux qui ont eu recours ou bien bénéficié pleinement de cette mission, c'est les Français qui vont quitter là-bas. Oui. Donc, Christ, en allant à la croix, n'est pas seulement mort pour nous qui sommes ici. C'est pour tous les êtres humains qui sont sur la terre. Amen. Même les satanistes. Même les plus grands bandits. Il est mort pour leurs péchés. Donc, en fait, en réalité, ils n'iront plus en enfer à cause de leurs péchés. C'est terrible. C'est pas à cause du péché qu'il part. Parce qu'il a payé pour le péché. Ça veut dire que même ceux qui ne sont pas élus, on va dire, leur péché a été payé. Parce que quand Jean-Baptiste l'a vu, il a désigné comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Mais tu mens. Ça veut dire qu'il a enlevé. Ça veut dire qu'ils vont quand même aller au paradis? Non, c'est pas pour cela. Ils ne vont pas au paradis parce que le péché a été pardonné. Ce n'est pas à cause du fait que nos péchés sont pardonnés que nous entrons au paradis. C'est parce qu'en plus de ça, il nous donne la vie. Parce que si on écoute tout ce que j'ai entendu depuis, depuis que j'entends la parole, si on veut au paradis, c'est... Pour entrer au paradis, il faut d'abord avoir la vie éternelle de ces paradis-là. Non, mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Ok, les pasteurs. Oui, oui, pour simplifier, il faut... oui, il faut être propre. C'est-à-dire, il faut avoir aucun péché. Ce n'est pas à cause du péché qu'on n'y entre pas. C'est pas à cause de cela. Parce qu'il y a des gens qui vont respecter les critères. C'est ce qu'on nous fait comprendre. Le problème, c'est la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5. Je crois qu'on est proche là. C'est quoi, mes frères là? Ils sont encore, vous dites qu'ils sont encore un autre truc là. Oui. 1 Jean, chapitre 5, vers la fin là, le premier. On y va? 1 Jean? Oui. Chapitre 5. Voilà, verset 10 à 12. Oui, à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Voici le témoignage, oui. Et voici ce témoignage. C'est ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que cette vie est dans son fils. Verset 12. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Donc en clair, il y a plusieurs choses. C'est un peu comme une pièce de puzzle ou bien un mot, les mots croisés. Qu'il faut au fur et à mesure effacer des mots, barrer des mots pour faire ressortir quelque chose qui est dans sa globalité, une définition. Ce n'est pas le pardon du péché qui octroie la vie, mais ça en est une étape. Parce qu'il y a des gens qui, dont le péché sont pardonnés, mais qui n'ont pas la vie éternelle. Mmh. Donc le finish de la justification, c'est pour aboutir au scellement. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a l'étape de la justification. Dieu a justifié le monde, le simple fait qu'il a donné son fils, Dieu a tant aimé, c'est ça le mot. Le monde qu'il a donné son fils, parce que le monde souffrait. Et les gens, même, la Bible déclare que même ceux qui n'ont pas commis un péché qui était semblable à Adam mouraient. Et de même que tous meurent en Adam. Or, suivez attentivement. On dit dans ces Romains, 1 Corinthiens chapitre 15, je m'excuse là, dedans, vraiment. 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible déclare que de même que tous meurent en Adam, tous revivent par Christ. Quand on suit ces processus, on n'a pas besoin que personne n'ira en enfer. Or, dans le premier volet est vrai. Parce que tout, every living thing dies. Toute personne, toute chose, toute créature ici a la mort au travers d'Adam. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la vie au travers de Christ. Tu vois, l'autre sens, c'est bizarre. Mais il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle se trouve en son fils. Celui qui a le fils a la vie. Donc ce sont ces personnes-là qu'on appelle tous revivre par Christ. Tu vois? Donc ce n'est pas le problème du péché ou bien le fait du non-pardon du péché qui le fait. Ça va faire des trucs que ça, dans l'église, on voit enseigner le moral qu'il faut vivre. Ne touche pas telle chose, ne touche pas ceci. Ce n'est pas ceci qui est le problème. La première chose, c'est d'abord d'avoir la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, il y a la vie conséquente de la vie éternelle. Une image me vient comme ça à l'esprit. C'est comme dans une maison. Oui. On a un père de famille qui a dans sa maison à ses enfants biologiques et a dans sa maison des cousins, des enfants de son frère ou de sa soeur qui prend en charge. Et tous ces enfants-là, dans cette maison-là, bénéficient de l'éducation, bénéficient des bienfaits, nourriture et autres. Mais quand il va s'agir de la succession, c'est autre chose. Quand il va s'agir de léguer l'héritage, ne va bénéficier de cet héritage-là que ceux qui sont ses enfants. C'est clair. Mais pourtant, au départ, au préalable, ils ont vécu tous dans la même maison. Ils ont mangé tous la même chose. Voilà. Ils ont bu tous la même nourriture. Quand le père a fallu acheter les habits, il a acheté les mêmes habits pour tout le monde. Mais au moment où il faut léguer l'héritage, au moment où il faut donner l'héritage, c'est uniquement les enfants du sang qui sont ses héritiers. Et c'est là que je comprends effectivement mieux ce que tu es en train de dire. Ouais. Que oui, et ça confirme et ça comprend mieux les versets de Hébreu 6, Hébreu 10. Oui. Il dit que ceux qui ont goûté, ils ont goûté. En fait, même si Hébreu 6 n'est pas écrit, la réalité c'est vie. Quand tu laves tes habits, tu as un voisin qui est franc-maçon, tu passes sécher là-bas. Est-ce que le soleil, c'est pas Satan qui a le soleil? Le soleil c'est pour Dieu. Quand tu laves ton habit, le sorcier lave son habit, vous séchez. Le soleil de Dieu ne vient pas chez toi en disant que tu es mon enfant, il sèche ta. La Bible déclare qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Pour cette bénédiction-là, tout le monde a l'égalité. Et bien plus, ceux qui ne sont même pas ses enfants en profitent même souvent. En profitent plus. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a qui sont venus sur terre, mais ce ne sont pas ses enfants. Absolument. On va voir cela dans les Écritures. Quand tu seras choqué en voyant cela dans les Écritures. Wow, moi, je pense à mes enfants tout de suite. Là. Bon, supposons encore une fois de plus que tu sois à Bordeaux, par exemple, on dit qu'il y a une émeute dans une école, que tous les parents viennent chercher les enfants. Quand tu quittes la maison, tu pars chercher qui? Mes enfants. Quand tu gardes, les enfants sont des clicouris, le parc, tu regardes qui? Mes enfants. Est-ce que tu attrapes tous les enfants pour que venir, on rentre à la maison? Est-ce que c'est tous les enfants? Quand tu cherches, tu as deux enfants, quand tu prends les deux, tu fais quoi? Je rentre. Absolument, c'est ce qu'il est venu faire. Mais ça, d'accord, mais... Okay. Alors, en tout cas, ce sont des grandes vérités de la Bible maintenant. Non, mais je vous jure, j'étais en France. Je redis encore une fois, j'ai pas fait le tour de toutes les églises, mais si j'écoute, il faut pas être dans le péché, très bien, ce qui est pas forcément facile. Oui. Attention. Et il faut être heureux, il faut pas être dans le péché. Bon, il faut vivre avec Dieu, bien sûr. Et en fin de compte, oui, il y a cette histoire de vie éternelle. Ouais. En fait, donc c'est cette. C'est là où le Seigneur fait effectivement la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Oui. C'est que ceux qui sont de lui, ils ont la vie éternelle qui leur accorde donc cette capacité de pouvoir marcher au-dessus du péché. Alors que les autres essayent de bénéficier, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Ce qui fait que, comme on a lu tout à l'heure, dans 2 Pierre ou dans 1 Jean, oui. Ils essayent tant bien que mal de pouvoir reproduire cette vie-là. Exact. Mais comme ils n'ont pas reçu cette vie-là, comme ils ne sont pas de Dieu, ils ne peuvent pas se manifester. Oui. Et c'est pourquoi à la fin, il dit, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Dans les souris du monde. Les souris du monde long. Comme on dit, un proverbe dit, la nature est venue au galop. Alors, le règne des ténèbres ou le règne des lumières, nos vies sont conséquentes de ces deux gouvernances au-dessus de nous. Et chacun manifeste un règne. Chacun manifeste un règne. La question c'est, qui domine sur ta vie? À la question. Qui domine sur ta vie? Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas... Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui n'est pas l'enfant de Dieu soit vraiment en règle, ne fasse aucun péché? Il peut être en règle morale. Absolument. Il y a des catholiques qui ne commettent pas du péché. Il n'ira pas au paradis. Non, il n'ira pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas parler par les œuvres. Il faut d'abord avoir la vie éternelle. Parce que c'est la vie éternelle qui te permet de vivre éternellement. C'est chaud vraiment là. Le début, le basique, c'est ça. Le vrai problème, c'est en fait, c'est plus compliqué de vivre hors du péché que d'avoir la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, c'est facile. Mais, oui, c'est très facile pour avoir la vie éternelle. C'est pour pouvoir vivre la vie conséquente de la vie éternelle, c'est là où le bas blesse quoi. La vie éternelle, il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Donc, la vie éternelle vient comme ça. Crois-tu au Seigneur Jésus? Oui. Il faut vérifier d'abord si le mot croit, C-R-O-I-T là. C'est le vrai. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon, la vie éternelle automatique. La vie éternelle, tu l'as. Et plus rien au monde, tu ne l'auras plus. Hein? Donc, ce sera pour toujours. Là, maintenant, la vie commence là-bas. Il y a des signes pour savoir si on a la vie éternelle. C'est aussi clair dans la Bible. Quand tu as la vie éternelle, tu sais. Celui qui a la vie éternelle, demeurant en lui, ou mieux, celui qui est en train d'être attiré par Jésus, est attesté chaque fois quand il manque le but. Tu comprends ce qu'il dit? Ça dit quoi? Lorsque il y a des gens qui évitent le péché, tout simplement parce qu'ils ont peur de leur pasteur, peur de ceci, peur de cela et au-delà. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un style de vie, un règlement de vie où on veut plaire à rien. Profondément, celui qui a la vie éternelle déjà habitant en lui commence à être aigri par rapport à ses voies, même s'il vit dans le péché. Même s'il commet le péché, il se sent mal à l'intérieur du fait qu'il cherche à ne plus faire ces choses-là. C'est le signe qu'il y a quelque chose en lui qui est contraire à cette vie qui est à l'extérieur. Mais les autres, ils commettent, ils peuvent même venir me devant Dieu, on dit, demande pardon, dit, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Il ne ressent pas le remords que Dieu ressent. Parce que quand tu as la vie éternelle en toi, tu commences à attrister l'Esprit de Dieu. Tu ressens dans ton cœur que tu l'attristes. C'est ça dont il est question. Que Dieu bénisse. Alors on peut se poser la question, qui domine sur nous? Oui, mon frère. Une question peut-être que tu peux répondre, puisqu'on a parlé, tu as parlé vraiment du règne des ténèbres, oui. Et c'est important. Et je pense que peut-être que dans les précédentes prédications, tu as eu à l'aborder. Tu as parlé des différentes dominations, des différents niveaux de possession. Et il n'en a même pas cité tout. Tu n'en as pas cité tout. Et là, donc, on peut se rendre compte que, au travers des différentes activités que nous faisons, nous pouvons être d'une manière ou d'une autre possédés. À des degrés. Maintenant, effectivement, j'aimerais, si le Seigneur permet, que tu rentres un peu plus dans les détails sur ces activités-là qui font en sorte que nous pouvons être possédés d'une manière ou d'une autre. Bonne question. Il y a sûrement un certain nombre de choses. Je vais prendre la plus grande de cela. Les niveaux de possession ou bien les portes de possession les plus courants. La Bible parle, il y a un mot que la Bible utilise depuis l'Ancien Testament. Si vous suivez ces mots-là, vous serez vraiment renversé. La Bible parle de souiller. Ce mot veut dire contaminer ou bien donner droit à. Deutéronome. Ah, c'est les grandes questions que j'aurais souhaité traiter. Dans un endroit où on est lucide vraiment. Oui, entrer. je regarde ma question, je vais la reposer en temps pour porter un siffle. Ouais, ça c'est important. On y va. Je vais lire à partir du chapitre 4 de Deutéronome. Chapitre 4 de Deutéronome. Et après cela, on pourra lire Lévitique, chapitre 20, verset 6. Et comme vous en avez noté, Lévitique, chapitre 20, verset 6. Lévitique, chapitre 20, verset 6. Donc, c'est dans la continuation qui domine sur nous. Ouais. Lévitique, chapitre 20, verset 6. Lévitique, chapitre 19, verset 31. Quoi? Lévitique, oui. Chapitre 20, verset 6. Oui. Puis, le chapitre 19, verset 31. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller, parce que là, c'est plus clair rapidement. Et puis, on revient dans Deutéronome 4, verset 14 à 19. Lévitique, chapitre 20, verset 6. Qu'est-ce que ça dit? Frère Francis, tu peux nous dire ça? Lévitique, chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites, oui, se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Voilà. Maintenant, regardons la façon dont le Saint-Esprit parle ici. Il dit si quelqu'un s'adresse au monde et aux esprits, et puis il dit pour se prostituer. La prostitution dont la Bible parle ici, ça va au sens physique, ça veut dire les rapports sexuels. N'est-ce pas? Et la Bible enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 et suivant, que si quelqu'un s'attache à la prostituée avec lui, ça veut dire que si tu vas vers les devins, vers les marabouts, à cet instant-là, ton âme devient un porte d'entrée et de sortie pour eux. Donc tu es te prostitué à eux, avec eux. Dans Deutéronome chapitre 4, il dit si on se tourne vers les lamelles, si on se fait, qu'on veille attentivement sur nos âmes, parce qu'on est porte de vol. Donc l'adoration des idoles, la visitation des marabouts, des lieux de crâne, de ces cultes idolatriques là-bas sont des portes d'entrée claires pour la possession. On peut continuer. Chapitre 19, verset 31. Du Lévitique. Allons-y, verset 31, Lévitique, chapitre 19, verset 31. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. De peur de vous rendre impurs par eux. En fait, cette terminologie-là, la Bible l'applique même aux esprits. Qu'il avait en lui un esprit impur. Pourtant, ce sont des anges déchus. Un esprit impur, parce que c'est un esprit impur qui communique ces visions-là et ces choses-là à la personne qu'on vient visiter. Et parce que quand tu viens, ton âme est contaminée. Donc, vous êtes lié maintenant. Et si on avait le temps, j'aurais souhaité tracer même le tableau des possessions au niveau des dimensions. Des dimensions dans l'esprit. Comment il peut être connecté. C'est pour cela que vous pouvez aller chez un marabout plusieurs fois encore quand le marabout a besoin de l'argent. Il commande à l'esprit que tu es venu contacter de te créer des problèmes. Sachant que tu vas venir trouver des solutions. Et cet esprit-là donne la suggestion à toi que va chez tel marabout. C'est lui qui te donne souvent du repos. Tu viens alors que c'est lui qui a été manipulé. On ne sait pas se comprendre. Donc la possession démoniaque vient par ces choses-ci. Le Nouveau Testament maintenant, il va dans le Nouveau Testament. 1 Pierre, chapitre 2. Chapitre 2 de 1 Pierre. Si vous voulez, pour lire 1 Pierre au chapitre 2 dont je vais donner maintenant, il faut lire ceci en parallèle avec Jacques chapitre 1, verset 13 et suivant. Alors, puisqu'on nous sommes presque, je crois que Pierre est toujours au côté de ces Jacques-là. Quoi. Mmh. Maintenant, regardez. 1 Pierre, chapitre 1, verset 11 et 12. Et Jacques, chapitre 1, verset 13 à 15. On va lire. Voilà. Voilà les deux versets. Jacques, c'est toujours le livre qui vient avant Pierre. Donc, en ouvrant deux pages, pas derrière, on va trouver. Maintenant, 1 Pierre, regardez. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimé, je lis dans ta version, mon frère. Bien-aimé, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Aha. Vous avez ça? Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu le jour où il interviendra. Oui, il interviendra. Dans ta version, on parle du jour où Dieu les visitera. Tu as vu le fameux mot là, non? Oui. Où Dieu les visitera. Mm. Voilà, mesdames. Le verset 11 dit, bien-aimés, je vous exhorte donc, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, Satan sait effectivement que pour pouvoir entrer dans l'âme, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est au niveau de la possession de l'âme. Mm. C'est là où le problème se trouve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il mette des cartouches en toi qui vont te pousser à tomber sur ce coup-là et pour qu'il puisse avoir accès. La Bible va de façon directe pour donner accès au diable. Yo, c'est la colère. Par la colère, on peut être possédé. C'est ce que la Bible enseigne. Il dit, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. La Bible met directement le péché de la colère avec la possession démoniaque. Chapitre 1 de Jacques maintenant. On finit là-bas. Jacques, chapitre 1 de Jacques. Verset 13, oui. Lis dans ta version, 13 à 15, voilà. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. Mm-hmm. » Car Dieu ne peut être tenté par le mal, oui, et il ne tente lui-même personne. Oui. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est que l'apôtre Pierre disait qu'on fasse attention ici. Oui. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfant de péché, oui, et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà. Comment on quitte de la convoitise dans notre âme à la manifestation physique? C'est ce que le Seigneur a essayé d'enseigner dans le cadre de l'adultère, dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Parce que lorsque tu regardes, il dit tu convoites. Donc les portes d'entrée de la possession dans la convoitise. La convoitise, c'est le nom de l'être, mais la porte d'entrée, c'est les yeux. Donc on peut être possédé en regardant. Il y a des travaux sur Internet que les démoniaques font sur des pages Facebook, des pages traitées, le magnétisme. Il y a plusieurs autres domaines où on travaille sur le magnétisme, où tu regardes quelque chose, tu es possédé. Et le signe de la possession maintenant, c'est que la personne devient accro à cette chose-là. Parce que quelque chose a été injecté dans ton âme, au point où désormais, quand tu vois ces choses, tu vois de façon de. Tu désires en croyant que c'est toi qui as le faire. Ne sachant pas que ton âme a été souillée, tu as été captivé là-bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec ces choses-là. La Bible déclare dans Psaume chapitre 101, verset 3, que je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. D'impur. Parce que ce qui est impur a derrière les esprits impurs. Frère, ce que je dis, juste pour vous rendre rapidement un petit témoignage pour aller, oui, vraiment dans le sens de ce que tu es en train de dire. Une fois, je priais, effectivement, c'est que je priais à mon épouse, je lui avais dit ça à la fin de la prière. Et le Seigneur m'a clairement révélé le fait et de dire attention, de faire dire à ceux qui sont mes enfants de faire attention à la télévision. Parce qu'il va arriver un temps où clairement c'est au travers de la télévision, oui, que les gens seront possédés. Littéralement possédés. Parce qu'au travers des ondes magnétiques qui passent au travers de la télévision, oui, en les regardant, les gens vont capter les esprits, attirer les démons en eux et qui vont les posséder littéralement. Voilà. Donc, encore que maintenant, ils sont possédés même par les jeux vidéo, voilà, et pour d'avoir laissé des certaines fibres optiques. Oui, voilà. Oui. Mais il va vraiment arriver un temps où au travers de la télévision, ce sera celui qui regarde la télévision possédé. Sera possédé. Il y a quelques mois, avec ma femme, on a rencontré une femme qui nous disait que elle ressentait. Mmh. C'est. Réellement. Elle dit, j'ai la fibre optique là où j'habite, pour elle, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est un produit qui a apparu il y a à peu près 17 ans maintenant, qui effectivement est plaît à tout le monde parce que c'est rapide, c'est au rapide, début. Voilà. Mais c'est pour étayer ce que dit Francis. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui, alors est-ce que c'est un don, est-ce que c'est Dieu qui donne cette vigie, ce discernement, on va dire, à certaines personnes qui ressentent, mais en tout cas, c'est la première fois, c'est la seule fois que j'ai quelqu'un qui s'est plaint, on va dire, c'est quelqu'un qui lit la parole, oui, qui s'est plaint donc de ça, donc c'est tout à fait vrai. Et il y aura un moment, si Dieu permet, de parler des démons dans les terres. Dans les terres? Oui. La terre est entourée des éthers. La terre est entourée de l'éther, en haut là, avec des gaz cosmiques. C'est terrible, surtout les contacts qui s'y font. Mais de toute façon, si Dieu permet qu'on parle, on va parler. Parce que ce sont des choses qui contaminent et des choses sont envoyées exprès dans les vies des gens avec cela. Il y a ce qu'on appelle les projections holistiques. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quelqu'un peut faire une campagne. Comme par exemple, ce genre de Mélenchon avait d'ailleurs. Il a fait ça, hein? Oui. Voilà. C'est-à-dire que je peux être ici avec cette lumière holistique. J'ai fait une campagne en étant quelque part, on projette ma lumière exactement là-bas. On projette son image. Son image sur le podium. Si tu avais suivi les élections, Jean-Luc Mélenchon a fait ça, il se produisait, je crois, à Troyes, et puis on l'a projeté à Nantes et dans une autre ville. Comme de faire des hologrammes. Ça veut dire que c'est quand on commence à il était là comme s'il était en face de nous, mais il en fait ce que tu as à Troyes. Ça veut dire que tu fais là-bas, tu fais comme ça, tu passes la main, il va passer à l'intérieur, mais il s'adresse à vous. Alors c'est dangereux. En physique quantique, on ne parle pas de ces choses-là, mais je voulais dire quelque chose, c'est que en réalité, toutes les découvertes que Satan fait servent d'abord du bien pour l'humanité à cause des désirs de notre âme. On va voir que ça c'est facile, ça nous donne l'accès facile pour résoudre les problèmes de notre quotidien. Au fur et à mesure, on s'y adapte au point où on ne peut plus s'en séparer. Mais en toile de fond, parce que si immédiatement, prenons un exemple simple. La formation de la puce RFID est venue comment? Première chose, on a remarqué que les enfants étaient captivés à l'école. Il y a des enlèvements, des rançons à l'école. Ton enfant va à l'école, en rentrant, les gens le captent. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, ok, on peut mettre d'abord une puce sur une puce pour baliser l'enfant. Il était dans un que on peut pucer l'enfant, les chaussures de l'enfant. Les baskets, par exemple, de l'enfant, on injecte une puce là. Il était dans un que si les ravisseurs prennent l'enfant avec son basket, on peut détecter. Mais au fur et à mesure qu'il est présent à la télévision, le bandit également savent que, ok, si on fait comme ça, on enlève le tennis, on jette quelque part ailleurs, on poursuit avec le radar, on vient détecter là le tennis était. À partir de ce niveau, la recherche devient difficile. Alors, on pense maintenant, par mesure de sécurité, c'est ces choses qu'on prend, on développe à la télévision, on les présente. Ça, ce sont des activités de ténèbres. Par mesure de sécurité, donc, au lieu qu'on mette ça sur un objet, parce que si c'est ton habit, on enlève ton habit, on jette, on met ça dans ton corps. Insérer dans un endroit de ton corps, sachant qu'on peut te détecter à tout moment où tu te trouves. Là, ça donne aux parents de pucer les enfants tranquillement. Pour pouvoir suivre leur enfant. Or, le problème, c'est que ce n'est pas seulement les bandits qui vont attraper l'enfant, mais non, le gouvernement suivait l'enfant. Je conclue cela avec un verset. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, pour voir ce que Dieu a dit dans tout cela, dans toutes ces découvertes-là. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3. Verset 19 à 20. C'est ce que Dieu dit. Ou bien verset 18. Verset 18 à 20. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18 à 20. Qu'est-ce que ça dit? Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Oui. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Oui. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Point de citation. Donc, Dieu a averti que si quelqu'un est sage selon ce siècle-ci, ah non, il est intelligent, ce sont les esprits intelligents. Waouh, il a découvert, ouh, que plein, non, pfff. Il a découvert la cause de la tombe. Oh, le rayon de bord. Si quelqu'un est sage selon ce siècle, il devient fou. Amen. Amen. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse à Casablanca. Sois béni, frère. Merci. Amen. Il est venu nous donner la paix. Jésus est venu nous donner la paix. Et la paix en abondance. Alléluia. Il est venu nous donner la paix. Il est venu nous donner la paix et la paix en abondance. Il est venu nous donner victoire. Il est venu nous donner victoire. Jésus est venu nous donner la victoire. Victoire en abondance. Alléluia. Il est venu nous donner la victoire. Il est venu nous donner la victoire. Jésus est venu nous donner la victoire. La victoire en abondance. Bonne nuit.